بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On est donc arrivé à la page 28. L'auteur qui dit رحمه الله et que la foi comprend la parole par la langue, l'exclusivité par le cœur et les œuvres par les membres. Elle augmente par l'accomplissement des œuvres et diminue par la diminution de celles-ci. Elle accepte une diminution et une augmentation. La parole de la foi ne peut se parfaire que par les œuvres. Et il ne peut y avoir de parole ni d'œuvre sans intention. Et il n'y a ni parole, ni œuvre, ni intention sans qu'elle soit en accord avec la sunna. Et qu'aucune personne faisant partie de la communauté de la Qibla ne devient mécréant à cause d'un péché. Ici, l'auteur, il aborde un sujet, c'est le sujet de l'Iman. Qu'est-ce que la foi ? La définition de la foi chez les gens de la Sunna comprend 5 points qui ont été cités ici dans la parole de l'auteur. Premièrement, on a l'imanu bil kol. Ou alors, si vous voulez, pour nous aider à mémoriser, on a khams nounat. 5 nouns. Kolu el lisan. C'est-à-dire 5 phrases qui finissent par noun en arabe. Kolu el lisan. La parole de la langue. Tu peux mettre directement en français la parole de la langue. Wa amalu al-jawarih wal-arkan. Les œuvres des membres. On a al-i'tiqad bil-janan. La croyance par le cœur. Yazid bi ta'ati ar-Rahman. Cette foi augmente par l'obéissance à Allah, ar-Rahman. Yazid bi ta'ati ar-Rahman. La foi augmente par la foi à ar-Rahman, la foi à Allah. Les actes d'obéissance vont faire augmenter la foi. Comme ce genre de séminaire, les races, ça, ce sont des causes pour augmenter la foi. Wa yanqusu bi ta'ati ar-Rahman. Ou alors, ce que vous voulez. Donc la foi, elle diminue par la désobéissance à Allah ou par l'obéissance à Shaitan. Et donc tous les péchés que tu fais vont être la cause que ta foi diminue. Et donc la foi en islam, la foi, elle comporte la parole, les actes et aussi la croyance. La désobéissance à Allah fait baisser la foi. Ça, c'est le cinquième point. Oui. La foi augmente par les œuvres. Elle augmente par les bonnes œuvres, l'obéissance à Allah. Voyez. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il a fait le lien entre les œuvres et la foi. Alladhina amanu wa amilus salihat. Ceux qui ont eu la foi et ont accompli de bonnes œuvres. Barakallahu fikoum, il ne faut pas tomber dans le piège. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous disent que le plus important, c'est la foi dans le cœur. La foi dans le cœur. La foi dans le cœur. La foi est dans le cœur. Et frère, barakallahu fikoum, on retourne dans les livres. La foi, c'est le cœur, les œuvres, la parole. La foi, c'est le cœur, les œuvres et la parole. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aux croyants, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Lorsqu'il a changé la Qibla, les musulmans qui priaient en direction de Beit al-Maqdis, ensuite il leur a ordonné de prier en direction de la Qibla, de la Kaaba. Et là, certains incroyants, ils ont commencé à essayer de se moquer des musulmans et à parler de ceux qui sont morts avant le changement de la Qibla. Ils ont dit, donc tous ceux qui ont prié dans cette direction, alors leurs prières ne sont pas valables alors, hein? Leurs prières ne seront pas acceptées. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a répondu à ces incroyants, il dit, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Et Allah ne rend pas en vain, ne rend pas à la perte votre foi. En parlant de quoi? Des prières. Et donc Allah a appelé les prières votre foi. Et donc les prières font partie de la foi. Les œuvres pieuses font partie de la foi. Le fait de dire j'ai la foi et ne rien faire, comme on a aujourd'hui, musulmans pratiquants, musulmans non pratiquants. J'ai la foi, je suis non pratiquant. Comment ça j'ai la foi, je suis non pratiquant? C'est quoi la foi alors? C'est quoi avoir la foi? Et donc il est important, barakallahu fikoum, de savoir qu'est-ce que la foi. La foi, elle englobe la parole de la langue, les actes des membres, la croyance du cœur. Celle-ci, elle augmente avec les actes d'obéissance. D'obéissance, elle diminue avec la désobéissance. Dans Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « El-Iman, bid'un wa sab'ouna shu'ba, ou bid'un wa sittouna shu'ba. » فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Dans le Sahihain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la foi comprend donc une soixantaine de branches ou environ 70 branches. La plus importante est la parole. La plus importante est la parole, la ilaha illallah. Donc on a la parole. La plus basse, imatatul adha anit tariq, le fait de retirer ce qui gêne sur la route. Ça c'est un acte avec les membres, tu vas retirer ce qui gêne. Wal haya, et la pudeur est une branche de la foi. La pudeur que tu vas avoir dans le cœur. Et donc, la foi comprend la parole, les actes des membres, ainsi que la croyance et donc les œuvres du cœur. C'est quoi, c'est la plus haute, c'est la route. La plus haute, c'est la parole, la ilaha illallah. C'est la parole, la ilaha illallah. Et aussi, donc, dans Sahih Muslim, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila kulubikum. Dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Certes, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs. Beaucoup utilisent ce hadith pour dire la foi est dans le cœur. Puisque Allah ne regarde pas nos apparences, il ne regarde pas nos biens, l'argent qu'on possède, mais il regarde nos cœurs. À ce moment-là, on leur dit Barakallahu fikoum, terminez le hadith et ne trompez pas les musulmans. Ça, c'est de la tricherie. Ça, c'est de la tricherie. On n'a pas le droit de tromper les musulmans. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Cependant, Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: vos cœurs et vos œuvres. On a vu que la croyance, dans la croyance des gens de la sunna, la foi comprend 5 points qu'on a cités. Ceux qui se sont opposés à cela, on a Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha. Ils nous disent que la foi, c'est la croyance du cœur ainsi que l'acceptation par la langue. Qu'est-ce qui manque? La croyance du cœur et l'acceptation par la langue. Il manque les œuvres. Et donc, Murji at al-Fuqara, pour eux, les œuvres ne font pas partie de la foi. Alors, donc on a dit Murji at al-Fuqara, et ne me demandez pas de nom, c'est pas le moment. Donc, quelle est leur croyance? On a vu leur croyance. Si vous voulez, je vais te répondre après. Inch'Allah. Et donc, il manque les œuvres. Et il voit aussi que, donc, barakallahu fikum, فَلَا يَدُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ. Lorsque tu as la foi, donc ça, on est ici, donc chez les Murji'a, un péché, pour eux, ne fait pas de mal à la foi. Tandis que chez les gens de la Sunna, on a vu que le péché va diminuer, va faire diminuer la foi. Et donc il voit que celui qui fait des grands péchés, il a une foi complète. Ça baisse pas la foi. Il y a un groupe parmi les Murji'a qui vont voir que la foi, c'est seulement la croyance du cœur. La foi, c'est juste la croyance du cœur. Il n'y a même pas besoin de dire la ilaha illallah. La foi, c'est dans le cœur. C'est tout. Et tout ça, bien entendu, c'est contraire au texte. Ensuite, on a le Jahmiya. Al-Jahmiya, il voit que la foi, c'est Al-Ma'rifa. Al-Ma'rifa, juste le fait de reconnaître l'existence d'Allah. Allah existe. Les savants nous disent, et donc si on se base sur leur définition de la foi, alors Iblis, ainsi que les incroyants de Quraysh, sont croyants. Ils ont la foi, puisqu'ils reconnaissent tous l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il parle avec lui. Juste, tu crois en l'existence. Ensuite, on a le Karamiya. Eux, ils voient que la foi, c'est l'acceptation par la langue. Pour eux, la foi, c'est l'acceptation par la langue. Même pas besoin du cœur là maintenant. Ça veut dire que pour eux, donnez-moi des gens qui sont cités dans le Coran, qui selon cette définition, ils sont croyants. Alors qu'à la base, ils ne sont pas croyants. Hein? Non. Non, Pharaon, déjà, c'est trop tard. Mais maintenant, des gens de leur vivant, les frères, quand même. Des gens qui ne sont pas croyants, mais qu'en se basant sur cette définition, tu vas dire qu'ils sont croyants. El Mounafiqin, les hypocrites. Les hypocrites, ils n'ont pas la croyance dans le cœur. Ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en son messager. Mais par contre, ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Et donc, selon cette définition, ils sont croyants. Alors que non, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle des hypocrites, il dit « Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ». Certes, les hypocrites sont dans le rang le plus bas de l'enfer, du feu. Voyez, mais donc voilà ceux qui ont contredit les gens de la Sunna sur ce sujet. Mais on a aussi, donc d'un côté, donc ça c'est un côté, tous ceux qui vont avoir la négligence. De notre côté, on va avoir l'exagération. Al-Wa'idiyya. Avec les Khawarij. Ils disent que la foi, c'est la parole de la langue, la croyance du cœur, les œuvres des membres. Mais que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Tu fais un péché, c'est fini. Les gens de la Sunna, ils disent que les péchés font diminuer la foi. Eux, pour eux, avec leur croyance que les grands péchés font sortir de l'islam, et donc pour eux, le péché va annuler la foi. La foi, selon eux, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Soit tu as la foi, soit tu ne l'as pas. Tu n'as pas péché, etc. Et donc, eux, ils ont exagéré. Ce sont les exagérateurs. Et donc, les preuves qui montrent que la foi, elle augmente et elle diminue, elles sont nombreuses. Il y a donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Et lorsque ces versets lui sont récités, cela leur augmente la foi. Cela les augmente en foi. Et donc ici, ça c'est la preuve que la foi, elle augmente. On a donc la preuve que la foi augmente. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, donc, man kana fi qalbihi mithqala habatin min burra ou sha'ira min iman fa akhrijhu minha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle de ceux qui seront dans le feu et qui vont sortir du feu. Et donc ces gens-là ici, ils auront toute personne qui a dans son cœur ne serait-ce qu'une petite quantité de foi, ou alors une petite encore, ou une plus petite, jusqu'à ce qu'on arrive encore à, comme on avait traduit la dernière fois, Dharra, l'atome, qu'on avait dit non, c'est une petite fourmi, etc. Mais certains peuvent la traduire par atome aussi, on ne va pas trop débattre sur le sujet. Et donc ici, on voit que la foi de certains est à un niveau, et d'autres, elle est plus basse, elle est plus basse, elle est plus basse. Toute personne qui a un peu de foi, alors sortez-les du feu. Ce hadith dans Sahih Muslim, qui montre donc que les gens, ces gens-là ont la foi. Pourtant, leur foi, elle est basse. Et donc, la foi, elle augmente et elle diminue. Le péché que la personne va faire ne fait pas la personne sortir de la foi. Les péchés vont faire diminuer la foi. C'est pour ça que l'auteur, il nous dit à la fin de ce passage, il nous dit et qu'aucune personne faisant partie de la communauté de la Qibla, c'est-à-dire aucune personne faisant partie de l'islam, ne devient mécréant à cause d'un péché. Et donc ici, il réplique au Khawarij. Il nous reste combien de temps avant l'Aden? Mashallah, 4 minutes, je crois. Toyez. Alors, à la page suivante, il nous dit l'auteur, rahimahullah, et que les martyrs sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvus. Les âmes des gens du bonheur demeurent épanouies jusqu'au jour où ils seront ressuscités, tandis que les âmes des gens du malheur seront châtiées jusqu'au jour de la rétribution. Et donc ici, on a la vie dans la tombe. On a donc les gens du bonheur qui auront des délices et les gens du malheur qui seront châtiés jusqu'à la résurrection. Et donc l'auteur ici nous cite la croyance des gens de la Sunna concernant les âmes. Et que il faut savoir que les savants, ils ont beaucoup divergé concernant le sujet des âmes, une grosse divergence concernant les âmes, où vont-elles? C'est un gros débat. Où est-ce que l'âme, elle va? Et personnellement, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On ne va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, parce qu'on n'a pas le temps. Et l'auteur qui nous parle donc des âmes des martyrs. Et donc Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a récité donc ce verset. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. Ne pensez pas que ceux qui furent tués dans le sentier d'Allah sont morts, mais au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur et bénéficient de leur subsistance. Il a dit: certes, nous avons été interrogés concernant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit que leurs âmes sont dans des oiseaux, fi jawfi tayrin, Rodorine. Et donc des oiseaux qui sont donc verts et qui seront dans le paradis. Mu'allakatun bil arsh, accrochés au trône. Tasrah min al jannati haythu sha'at, qui voyagent dans le paradis où ils veulent. Thumma ta'wa ila tilka al qanadil, et donc ensuite ces oiseaux vont retourner dans leur lieu où ils sont à la base. Fa'tala'ilayhim rabbuhum ibtila'atan faqala. Alors là, leur Seigneur, il s'adresse à eux et leur dira « Hal tashtahuna shay'an ?» C'est-à-dire « Hal tashtahuna ila shay'in ?» Est-ce que vous désirez quelque chose ? Est-ce que vous désirez quelque chose ? Alors là, leur réponse, ils désireront pouvoir remourir en martyr pour revivre ce qu'ils ont. C'est la seule chose qu'ils désirent. C'est-à-dire, c'est une façon de montrer qu'ils sont bien. Ils sont bien. Et donc ici, l'auteur, il nous parle de la situation de ces gens qui ont été tués à cause de leur foi. Et ensuite, il nous dit « Et que les croyants seront éprouvés dans leur tombe et ils seront interrogés. » Donc ici, on a l'épreuve de la tombe. Allah tabaraka wa ta'ala raffermit ceux qui ont une foi, ceux qui ont eu la foi, par la parole de fermeté. Elle compte faire vite, comme dans le verset, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc ici, on aborde le sujet de la croyance au châtiment de la tombe, à l'épreuve de la tombe. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans le Coran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala a raffermi donc ceux qui ont eu la foi par la parole de fermeté dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, si tu veux la réussite, il faut que tu demandes à Allah qu'il te raffermisse. Parce que l'épreuve est lourde. Ici-bas, on a des épreuves. Tu vas avoir des épreuves tous les jours, lorsque tu vas au travail. Tous les jours, il y a des choses qui vont t'amener à la désobéissance, au péché. Et à chaque fois, ce sont des petites épreuves. Et toi, tu dois rester ferme. Tu dois rester ferme. Et donc, comment est-ce qu'on veut rester ferme concernant les grandes épreuves, alors que les petites épreuves qu'on a tous les jours, elles nous font trembler? Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, de garder la fermeté. Et donc ici, barakallahu fikoum, l'auteur, il aborde le sujet de l'épreuve de la tombe. Dans Sahih Muslim, selon Zayd ibn Thabit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna hadhihi al-ummah ibtala fi quburihim » Certains gens de cette communauté seront éprouvés dans leur tombe. « Falawla an tadfanu lada'atu Allah an yusmi'akum min 'adab al-qabr ma asma'a » Et dit sallallahu alayhi wa sallam, et donc si ce n'était pas la crainte que vous délaissiez les enterrements, je vous aurais fait écouter ce que j'aurais invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il vous fasse entendre ce que j'entends du châtiment de la tombe. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur que, à cause du fait qu'on entende le châtiment de la tombe et donc qu'on délaisse les enterrements, alors il n'a pas invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'on entende ce que lui, il entend. Et ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, نعوذ بالله من عذاب النار. Nous implorons la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le châtiment, donc du feu. نعوذ بالله من عذاب النار. Nous implorons la protection d'Allah contre le châtiment du feu. Il l'a encore répété et après il dit نعوذ بالله من عذاب القبر. Et nous implorons la protection d'Allah contre le châtiment du feu. Il l'a encore répété. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit concernant Pharaon. Il dit « An-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiya » Et donc le feu, ils y sont exposés matin et soir. Pharaon et ceux qui étaient avec lui, ils y sont exposés matin et soir. « Wa yawma taqumu as-sa'a » Et au jour de la résurrection, au jour de la fin des temps, « Adkhilu 'ala Pharaon ashadd al-'adab » Et ce jour-là, faites rentrer, il sera ordonné, faites rentrer donc la famille de Pharaon, donc ceux qui étaient avec Pharaon, dans le châtiment le plus douloureux. Et donc ça montre qu'ils sont déjà châtiés ici. Mais ils auront un châtiment plus douloureux, d'accord, au jour de la résurrection. Et donc, ce sujet-là, donc l'auteur il nous cite ici un sujet très important, la foi chez les gens de la Sunna concernant la croyance, donc la croyance au châtiment de la tombe, la croyance à l'épreuve de la tombe. Et ce sujet a été rejeté par Al-Khawarij ainsi que Al-Mu'tazila. Donc certains Khawarij ainsi que Al-Mu'tazila. Alors c'est Rafers, le verset numéro 46. Le verset 46, la sourate 40. Verset 46, sourate 40. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir et au jour de l'heure, lorsque l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما شاء الله